Des roses babidons, des bandits, ils font bander la piste toute l'année. Ils sont pistés, braqués, c'est leur passion. Que début, ça débite, ça fait que des dabis. T'es quand t'as pas de piston. Il est fiché au poste, mais rien n'est fiché. Rien n'est fiché, moi à poste. Son album sous popo, je les dégomme. Chandole, mon, je rigole pas, bonnet, éclaté. Son pied, chacun leur bat ton clin d'œil. Luna Ben, des gros pas, des braqueurs de bistrot. Ils veulent des briques et des bricks. 4 bras de 38, ils font trembler le parrain. C'est pas des paresseux, c'est pareil, c'est que sont les vrais. Ça varie, c'est du frais toute l'année. Ils sont au froid, au plafond, t'es choqué. Ta chico vient de péter, fini les chocs. Puis que ça donne les chocottes, tu as tombé chocolat. La squal choc, c'est connard. Couillon, couillé, c'est toi qui me tiens la queue, ils font la queue pour fuiter. Mais tout seul, je fais pas de faute et tant pis pour les faits. Car la bonne est fritée, c'est de la vente, t'es pas prêt. Prépare-toi à l'acheter, Bendero, braque la frappe, Luna reste au volant. C'est fini, on se volatise, l'index pour la volaille. C'est pony, la voyou, voyez, éclate, c'est la mêlée de fini. Heureusement, c'est pas fini, c'est que le deuxième chapitre. Luna, Bendero, c'est pas bidon, c'est des bandits. Ils font bander la piste toute l'année. Ils sont pistés, braqués, c'est leur passion. Ce que le début, ça débite, ça fait que des dabis. T'es comme t'as pas de piston. Il est fiché au poste, mais rien n'est fichu. Rien n'est fichu, moi à poste, son album sous popo, je les dégomme. Chingole, mon, je rigole pas, bonnet, éclate. Ils sont pieds, chacun remballe ton clin d'œil. Luna Ben, des roses, papy, dont c'est des bandits. Ils font bander la piste toute la nuit. Ils sont pistés, braqués, c'est leur patience. Que le début, ça débite, ça fait que des dabis. T'es quand t'as pas de piston, il est fiché au poste. Mais rien n'est fichu, rien n'est fichu. Moi, à poste, son album sous popo, j'ai des gommes. J'suis en gueule, je rigole pas, bonnet, clan. Ils sont pieds, chacun remballe ton clin d'œil. Ça, regarde carré. Ça, regarde carré.